Ça va nous prendre des heures pour tout vérifier. Autant commencer au plus vite. » Une par une, ils firent les petites épiceries. Ginny décrivait son ami pour savoir si le commerçant l'avait vu dans le coin. Ils passèrent la journée à vagabonder dans toute la ville. La nuit commença à tomber. Ils devaient trouver un endroit où passer la nuit. Ils n'avaient plus assez d'argent pour aller à l'hôtel et devraient dormir dans la rue. Soudain, un bruit attira l'attention de Steven. Il regarda discrètement au-dessus de son épaule et entreaperçut une ombre qui se dissimulait derrière un angle de mur. Ils étaient suivis. Depuis quand ? Avec la foule de la journée, ils ne pouvaient le savoir. Peut-être étaient-ils filés depuis le matin. Steven tira Ginny dans une ruelle sombre en lui faisant signe de se taire. Il lui ordonna de se cacher et de ne pas bouger. Steven se plaqua dans un coin sombre en sortant son pistolet. L'homme qui les suivait déboucha dans la ruelle. Il était habillé d'une sorte de long manteau noir, comme ceux qui poursuivaient Ginny à Poudlard. Précautionneusement, il s'avança sans repérer le sergent. Ce dernier surgit et, d'un mouvement vif, plaqua l'homme au sol et l'immobilisa avec une clé de bras tout en collant le canon de son arme sur sa nuque. L'homme gémit. « Qui êtes-vous et pourquoi nous suivez-vous ? » questionna Steven. « Et vous, vous êtes qui ? » fit de même l'homme. « Neville ? » s'exclama Ginny en sortant de sa cachette. « Neville, c'est toi ? » ?»« Ginny, c'était donc bien toi. Je n'en étais pas sûr, c'est pourquoi je vous ai suivi. » « Steven, c'est un ami. »« Vous en êtes sûr ? » fit Steven. « Oui, il est de la Résistance. » Steven relâcha sa prise et se recula d'un pas sans quitter le dénommé Neville des yeux et sans ranger son arme. Neville se releva. Ginny lui sauta dans les bras, puis il se tourna vers le sergent. « Qui êtes-vous ? » demanda-t-il. « C'est un moldu, » répondit Ginny. « C'est une longue histoire. Il a besoin d'aide. » « Allons chez moi, vous me raconterez. » Chapitre 5. Neville Londubat. Neville leur offrit du thé et de quoi manger. Ginny lui raconta tout. Neville parut surpris. « Je n'ai jamais entendu une chose aussi incroyable. Un moldu se trouvant à des milliers de kilomètres et qui se retrouve dans Poudlard sans savoir comment il est arrivé là. C'est extraordinaire !»« Vous m'en direz tant, » fit Steven. « Moi, je voudrais surtout rentrer chez moi. J'étais en plein champ de bataille et la seconde d'après, je suis dans un château et j'entends des histoires à dormir debout sur des soi-disant sorciers. »« Comment ça, soi-disant ?» Je n'ai pas pu lui faire de démonstration parce que Malfoy m'a pris ma baguette. Je vois. Encore un peu de thé ? Action, théière ! Sous les yeux incrédules de Steven, la théière vola jusqu'à la main de Neville. Ok, je vois, fit Steven sans quitter la théière des yeux. Vous me croyez maintenant ? Questionna Ginny en souriant. Steven tourna les yeux vers elle et resta figé un instant. Oui. Finit-il par dire. Après tout, pourquoi pas ? Concernant votre problème, la seule personne qui peut vous aider, c'est Hermione, je pense, dit Neville. Justement, c'est également ce que je pensais, dit Ginny. Tu sais où sont Ron et elle ? Oui, au nord dans les montagnes. Ils servent de point d'attente et de départ pour les familles souhaitant quitter le pays. Je les recontacterai demain pour savoir quand on peut y aller. En attendant, vous pouvez rester ici, mais il faudra éviter de sortir. Steven est inconnu aux Mangemorts et aux hommes du ministère. Il pourra sortir quand il veut. Ce sera plus sûr. C'est vrai. Et Ginny, ajouta Neville, en se levant et en ouvrant un tiroir, tu auras besoin de ça. Neville lui tendit une baguette. Ginny la regarda un instant. Elle la connaissait, mais quand elle l'eut en main, tous ses doutes s'envolèrent. Elle savait à qui appartenait cette baguette. Elle leva vers Neville un regard qui signifiait qu'elle avait peur de comprendre. « Luna ? » fit-elle. « Oui, » répondit sombrement Neville. « Il y a 2 semaines, on voulait libérer une famille. Il y a eu un échange de maléfices. Dean a failli être capturé, mais Luna est intervenue. Seulement, à ce moment, un des traqueurs s'est glissé derrière elle et l'a embrassée. On n'a rien pu faire. « Où est-elle maintenant ?»« À Sainte-Mangouste, Les mangemorts exposent les victimes des détrinqueurs comme des trophées. Il vaut mieux se dire qu'elle est morte, car elle ne pourra jamais revenir parmi nous. » Des larmes brillaient au coin des yeux du jeune homme. Ginny vint serrer son amie dans ses bras. Elle aussi pleurait. Steven préféra les laisser entre eux. Et il savait trop bien ce que l'on ressentait en perdant des amis au combat. Le dîner fut frugal mais détendu. Le lendemain matin, Steven alla faire des courses à l'épicerie du coin. À peine sorti du magasin, il fut abordé par deux hommes à l'apparence étrange. L'un d'eux portait une redingote avec un pantalon en néoprène genre tenue de plongée et une paire de rangers aux pieds. Le second avait un kilt et un maillot de basket, le tout agrémenté de mocassins. Steven savait les Britanniques ouverts à pas mal de styles vestimentaires, mais là... « Veuillez nous excuser, monsieur, mais nous voudrions vous poser une question, » dit l'homme à la redingote. « Oui, je vous écoute, » fit Steven. « Nous cherchons quelqu'un qui doit habiter cette ville. » « Je ne suis pas sûr de pouvoir vous aider, cela ne fait pas longtemps que je suis ici. »« Peut-être l'avez-vous croisé par hasard, voici une photo. » Les doutes de Steven furent confirmés, ces hommes étaient bien des sorciers. La photo représentait Neville Landuba, habillé d'une robe noire, un écusson rouge et or avec un lion ornait sa poitrine. Il paraissait plus jeune, le cliché devait dater du temps où il était à l'école Poudlard. Steven fit mine de réfléchir en examinant la photo. « Non, répondit-il finalement, je n'ai jamais vu cet homme. » « Merci quand même pour votre aide, » salua l'homme à la redingote. « Bonne journée. » « De même. » Steven suivit du regard les deux hommes qui abordaient déjà une vieille dame. Il devait en parler à Neville et Ginny au plus vite. Les deux jeunes sorciers écoutèrent le récit du militaire. Ginny fronça les sourcils, démontrant son inquiétude. Neville ne parut pas surpris. « Ce n'est pas étonnant, » dit-il. « Ce sont sûrement des hommes du ministère, des aurores, probablement. » « Aurore ?» questionna Steven. « Avant, des chasseurs de mages noirs, maintenant, les bourreaux de la résistance. Je vais devoir me tenir tranquille un moment. Tant que nous sommes là, je peux me charger des courses et de tout ce que vous auriez à faire à l'extérieur. Avez-vous un peu d'argent ?»« Bien sûr, » fit Neville en portant la main à sa poche en sortant des livres sterling. « Que voulez-vous faire ?»« Je vais retrouver ces deux aurores et les suivre. Il faut savoir s'ils savent que vous êtes précisément dans ce quartier ou seulement dans Glasgow, voire en Écosse. Les retrouver ne devrait pas être difficile vu leur tenue. C'est souvent ça avec les sorciers. La plupart d'entre nous n'ont pas l'habitude de côtoyer les moldus, donc les règles de l'habillement moldu font pas en parler à certains. Heureusement pour la résistance, nous avons pas mal d'enfants de moldus et de sang mêlé parmi nous. Ils ont appris à ceux comme moi, de sang pur, comment passer inaperçu. Je vois. Ne m'attendez pas pour déjeuner. Steven sortit, Ginny et Neville restèrent seuls. C'est quelqu'un de bien, dit Neville. « Je m'en rends compte, » acquiesça Ginny. « On n'a pas eu trop le temps de parler sur la route jusqu'ici. On devait rester vigilant. Je ne sais quasiment rien de lui. »« Mais tu voudrais en savoir plus, n'est-ce pas ?»« Qu'est-ce que tu as si nu ?»« Rien. À part peut-être que tu devrais penser à ce que tu vas faire dans l'avenir. Quand cette guerre sera terminée, que feras-tu ?»« Je ne sais pas. Je n'y ai jamais pensé. Avant... Le seul avenir que j'imaginais était avec Harry. Mais il est mort maintenant. Alors je ne sais pas. Tu trouveras quelqu'un d'autre. Mais pour l'instant, dis-moi, qu'est-ce que t'as fait Malfoy ? Ginny n'osa pas continuer à fixer son ami dans les yeux. Neville ne lui avait jamais connu une mine si mélancolique. Et il n'y avait autre chose qu'il n'arrivait pas à définir. Mais ce n'était pas la Ginny qu'il connaissait, pas celle qu'il avait invitée au bal du tournoi des trois sorciers, pas celle qui volait si bien sur un balai durant un match de Quidditch, pas la combattante hargneuse du temps de la D. C'était une Ginny qu'il n'aurait jamais voulu voir, une Ginny qui pleurait doucement. « Je... » commença-t-elle. « Je ne peux pas. » « Quoi ?»« Je ne veux pas en parler. » « Je comprends, il a dû te faire des choses horribles. » C'est fini maintenant. Il ne peut plus rien me faire. Oui, mais si jamais je le croise, je te jure que je ne tuerai pour ce qu'il t'a fait. Malgré sa peine, Ginny parvint à sourire. Neville vint la prendre dans ses bras pour la consoler. Elle savait qu'elle pourrait toujours compter sur lui. C'était un ami loyal et courageux, un véritable ami. Steven retrouva rapidement les deux hommes. Il n'avait eu qu'à demander aux passants. Deux hommes dans des tenues aussi voyantes ne passaient pas inaperçus. Il les suivit discrètement toute la journée. Steven fut soulagé de voir qu'il quittait le quartier.